Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison au Sabre de Roberval et fiers commanditaires de la chronique de l'instructeur-chef Patrice Gagnon. Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roi. La Caisse Desjardins du Domaine du Roi est fière de vous présenter la chronique hebdomadaire des Sables de Roberval. Desjardins, toujours impliqué auprès des jeunes de sa collectivité, souhaite tout le succès possible à son équipe junior 2A. C'est la chronique des Sables de Roberval avec l'instructeur-chef Patrice Gagnon. Les Sables qui ont remporté une belle victoire au cours de la fin de semaine. Salut Patrice! Salut Danny! Patrice, avant de parler, je pense que vous êtes en tournoi en fin de semaine. Avant de parler de ça, on va parler de ce qui s'est passé en fin de semaine, où est-ce que ça a été quand même une belle victoire. Vous avez retrouvé le chemin de la victoire. Oui, c'est une victoire de samedi, la Messeillage contre les Épervilles de Normandin, une victoire de 5 à 4. OK. Donc, si on y allait avec ce match-là, il y a quand même eu, c'est quand même intéressant, là. Il y a eu une belle production, entre autres, de Maxime Paul avec un but de passe, c'est ça? Oui, Maxime Paul a un but de passe. C'est ça, oui, pour les autres buteurs, là, je crois qu'il y a Tommy Villeneuve qui a marqué. Oui, Jesse Saint-Pierre et ainsi de suite. Mais parlons de la rencontre. Comment ça s'est passé? Ben écoute, la première période, là, on a pris devant 1-0, puis ça s'est terminé là, 1-0 après une période. Ensuite, la deuxième a été un petit peu plus mouvementée, parce qu'on s'est échangé des buts d'un part et d'autre, puis ça s'est soldé 3-2. C'était 3-2 après deux périodes pour nous. Puis en début de troisième, on a marqué un but sur le premier chiffre, ça a fait 4-2. Les Éperviers sont revenus en marquant deux buts consécutifs là au cours de la troisième, donc... pour créer l'égalité 4 à 4. Puis avec 5 minutes à faire, là, c'est ça, c'est le but vainqueur de Tommy Villeneuve là, qui nous a permis de remporter la victoire. OK, donc ça a dû faire du bien au moral à quelque part, une victoire de chez que je t'en parle souvent, là, mais ça a dû faire du bien. Oui, ça fait du bien parce que c'est sûr que les gars ont voyé une belle progression depuis un certain temps. Puis après ça, ben, de battre une équipe comme les Éperviers chez nous à la maison, là, ben, ça, c'est un peu là, ça a rapporté le travail que les gars ont fait dernièrement. Puis notre gardien de but a bien fait ça aussi, Francis Dufault, il fait du bon travail. OK. Dans l'autre match maintenant, comment ça s'est soldé? Dimanche, une défaite de 3-0 là, au Palais des Sports de Jonquin, 3-0 dans un filet désert. OK. Dans le fond, ils ont marqué le premier but en première période, là, 10 minutes au milieu de la première, ils ont fait 1-0. Fait que le match est resté 1-0 longtemps parce que ils ont fait 2-0 en début de troisième période. Okay. Puis on a enlevé notre gardien en fin de rencontre pour essayer de mettre la pression, mais ils ont marqué, il restait 2 secondes à faire pour faire 3-0. OK, donc ça s'est soldé par une belle victoire, évidemment. En fin de semaine, c'est tournoi Mario Tremblay, c'est ça? Oui, ben c'est ça. C'est, en fait, c'était une victoire des Marquis, là. Ça s'est soldé par une belle victoire, mais c'est, okay. C'est ça. Oui, en fin de semaine, c'est le tournoi junior Mario Tremblay, ça débute ce soir. OK. Oui. Ce soir, on affronte les SAG. Oui. OK. Donc, on y va dans quel optique? C'est sûr qu'un tournoi de main, ça peut être intéressant pour les équipes, là, quelque part. Là, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut relancer comme il faut la saison. Là. Bon, oui, nous autres, on s'en va là. Puis, c'est sûr que la pression n'est pas de notre côté. Ça fait que, on s'en va là. Puis, nous autres, on pense qu'on peut créer une surprise. OK. OK. Donc, on s'en parle la semaine prochaine, Pat? Oui, on s'en parle la semaine prochaine, oui. Donc, on rappelle que cette chronique est une commandite d'autobus Véro et également aussi on parle des caisses populaires Desjardins et Domenzo.